Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La campagne électorale est ponctuée par endroits d'intolérance politique où des administratifs et militants du parti au pouvoir malmènent les militants des autres partis. Vous entendrez le témoignage du parti FPN Imboneza, ce qui est contraire à la recommandation du président de la République lors du lancement de la campagne électorale vendredi de la semaine dernière. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance FENADEB rappelle aux partis politiques de ne pas exploiter les enfants pendant cette période. Alors que le monde célèbre la Journée mondiale des télécommunications le 17 mai de chaque année, les habitants de la ville de Bujumbura se plaignent de la mauvaise qualité des services offerts par les sociétés de télécommunications. Voilà pour les grands titres. Vous ratez l'essentiel. La coalition Burundi Bwabo s'affirme avoir été victime d'intolérance politique durant la campagne électorale. Comme l'a dit Kefani Wizi, secrétaire général et porte-parole de cette coalition, qui s'est exprimée ce jeudi en marge d'une conférence publique ayant marqué le début de leur campagne électorale. De son côté, le président du parti FPN Imboneza affirme avoir des ennuis pour trouver des places publiques ou battre campagne dans certaines communes ou provinces où les administratifs ne leur facilitent pas la tâche. Suivez le témoignage de Billy Christophe Niongabo, traduit en français par Alexis Ndaisenga. Dans cette période de la campagne électorale, il arrive un moment où nous cherchons des places publiques pour y travailler, mais en vrai, à cause de ceux qui ont pris ces places durant 2 ou 3 jours. Alors, comment nous, les autres acteurs politiques qui voulons faire la campagne, pouvons avoir l'occasion, surtout qu'il y a certaines places qui sont prohibées, notamment les milieux scolaires. En plus, certaines provinces ou communes peuvent avoir une seule place publique. Dans ce cas, nous demandons si demain le parti au pouvoir occupe cette place. Le lendemain sera le tour des autres partis politiques, car lorsque nous demandons la permission, ils nous disent que la place sera occupée par le parti CNDD-FDD pour demain. Et demain, lorsque nous les demandons, ils nous donnent la même réponse. C'est pourquoi nous demandons aux autres de faciliter tous les partis politiques d'aller les travaux de la campagne électorale. Même son de cloche au parti CDP qui déclare que leurs militants ont été malmenés par certaines autorités militants du parti au pouvoir dans différentes régions du pays lors de sa campagne électorale. Anesse Niyonguru, président de ce parti, cite les incidents d'Omarangara en province Ngozi où le responsable du parti au niveau de la sous-colline Kageni a interdit aux militants du CDP de faire campagne. Dans la commune de Musongati en province de Rutana, le président du parti CDP affirme qu'ils ont été arrêtés en route par l'administration communal ce jeudi, ce qui les a empêchés d'atteindre leur destination à temps. Et pourtant, le président de la République du Burundi avait mis en garde tous ceux qui voudraient déstabiliser le processus électoral, que la justice les sanctionnera par des peines suffisamment lourdes. Il l'a dit vendredi dernier au stade Ingoma de Gitega lors d'un défilé organisé en guise du lancement de la campagne électorale qui a commencé le 13 mai suivant. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les compétiteurs à se comporter en leader digne de ce nom, capable d'éclairer leurs dirigeants vers le développement. Suivez le président de la République Évariste Ndayishimiye dans la traduction d'Alain Désiré Bukayeneza. Ceux qui vont à la campagne électorale, sachez qu'à l'état actuel au Burundi, nous avons besoin de dirigeants, de bons leaders qui ont une vision claire pour le pays. Allez dans la campagne tout en sachant les caractères d'un leader. Vous êtes des acteurs du changement. Il faut que les citoyens considèrent la campagne comme une occasion d'avoir de la bière. Agissez plutôt comme des leaders capables de diriger les citoyens vers le développement. Mugiye kuronderera hamwe bwa Burundi buteye imbere cha gihugu Kifashe. Ndasubiriye n'ubu kwihaniza. Uwe wese azotoba canke agahohotera abandi. Je vous mets encore en garde. Quiconque tentera de déstabiliser le processus électoral ou de torturer les autres, il sera sanctionné conformément à la loi. La justice appliquera la loi, mais j'appelle les magistrats qui s'imposera de le faire sur base des circonstances aggravantes. Parce que déstabiliser les élections est synonyme de déstabiliser l'avenir du pays. C'est pour cela que je lance un appel aux magistrats. Il faut bien entendu appliquer la loi en ce qui concerne les peines au cours de la période électorale. Mais il ne faudra pas oublier de considérer les circonstances aggravantes. Et la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, rappelle aux partis politiques en campagne électorale de ne pas exploiter les enfants pendant cette période. Le porte-parole de cette fédération, Ferdinand Simbarouhijé, fait remarquer que quand les enfants sont utilisés dans la propagande politique, leur droit est bafoué puisque leur place est à l'école ou à la maison. La campagne électorale pour les élections des députés et des conseils collinaires ont débuté le 13 courant. Et donc, c'est-à-dire que les activités aujourd'hui sont en cours. Par le passé, vous vous souviendrez que les élections, les campagnes électorales ont été caractérisées par, disons, l'exploitation des enfants. On sait qu'à l'école, on sait qu'il y a des enfants qui ont l'âge de voter, mais il y a d'autres, évidemment, qui sont encore petits, qui n'ont pas encore le droit de voter. Mais malheureusement, le constat a été que dans toutes les régions du pays, et par le passé, on a observé qu'il y a des enfants qui étaient exploités. Mais aujourd'hui aussi, on a des informations qui nous arrivent, qui disaient qu'il y a des enfants, même aujourd'hui, qui sont tentés d'être utilisés. Mais on n'a pas encore de statistiques, mais le constat, même aujourd'hui, on nous dit que le constat est là. FENADEB est contre cette pratique, car contraire effectivement à la loi, parce que pour nous, les enfants, en principe, devraient être à la maison. Si nous sommes à la maison, ils devraient être à l'école. Donc, vous comprenez que quand même, si les enfants sont utilisés dans cette campagne, vous comprenez quand même qu'ils perdent leurs droits, qu'ils leur par non seulement les instruments nationaux de protection de l'enfance, mais aussi par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reconnaît à l'enfant le droit à l'éducation. Nous voulons alors profiter de cette belle opportunité pour demander d'abord au gouvernement du Burundi et en tant que garant de la protection de l'enfance de voir les actions à mener pour lutter contre cet état de choses. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour demander aux politiciens d'éviter toute exploitation des enfants des fins politiques à l'égard des enfants durant cette période, parce que vous comprenez que les conséquences sont très fâcheuses. C'est-à-dire que l'enfant qui va dans les campagnes n'aura pas le temps d'étudier, par conséquent, il va échouer, ce qui peut être une source d'abandon scolaire. Un enfant qui participe aux élections, il peut croire qu'il est grand, alors que ce n'est pas le cas. Donc vous comprenez, alors qu'il peut adopter un comportement qui n'est pas vraiment digne, mais qui sera fâcheuse dans son avenir. Parlons maintenant projets de société des partis en campagne électorale, en commençant par le parti politique Frolina, qui donne la priorité au développement de l'agriculture, dont vivent la majorité des Burundais. Pour Cécile Nshimirimana, présidente de ce parti, cela devrait passer par la mécanisation agricole, la formation et l'encadrement des agriculteurs. Dans notre parti, nous allons accroître l'offre énergique de 15% pour soutenir le défi structurel. Nous allons améliorer les infrastructures de transformation et de conservation de 20% pour valoriser les produits locaux. Et nous allons augmenter l'accès au crédit agricole de 25% pour soutenir l'agriculteur sans intérêt. Nous allons renforcer la recherche et la vulgarisation agricole de 30% pour promouvoir les meilleures pratiques. Nous allons faciliter l'ouverture aux marchés internationaux, sous-régionaux et nationaux de 25% pour simuler les échanges commerciaux. Nous allons renforcer la maîtrise des aliénats climatiques de 20% et nous allons encourager la préservation des terres et de la gestion durable de celles-ci avec une augmentation de 25%. Nous allons promouvoir la mécanisation agricole avec une augmentation de 15% pour accroître l'efficacité des travaux. Nous allons soutenir la formation et l'encadrement des agriculteurs de 30% pour améliorer leurs compétences. Nous allons renforcer la maîtrise des maladies et des ravageurs des plantes et animaux de 25% pour améliorer le rendement. Nous allons renforcer les centres vétérinaires avec une augmentation de 25% pour assurer la santé animale. Et nous allons aussi préserver les zones agricoles avec une augmentation de 30% pour prévenir l'urbanisation excessive. Nous allons promouvoir l'irrigation et l'utilisation de l'eau des pluies de 25% pour la meilleure gestion des ressources en eau. Nous allons encourager la stabilisation permanente des animaux avec une augmentation de 20% pour améliorer le bien-être animal. Et enfin, nous allons renforcer les personnels vétérinaires qualifiés de niveau supérieur avec une augmentation de 15% pour garantir les soins de qualité aux animaux. Et le parti UP des Igamibanga met en avant la dignité des retraités, la redynamisation des entreprises étatiques tombées en faillite, la restructuration du secteur touristique, la réglementation du commerce ambulant. Abdoul Kassim, président de cette formation politique, estime qu'en privilégiant la lutte contre le favoritisme, le mensonge et la corruption, avec des médias publics et privés ayant des moyens suffisants pour faire leur travail, il est possible de bâtir un Burundi prospère, de justice équitable et de paix pour tous. Le parti IPDS Gamibanga focalise ses préoccupations sur les groupes suivants de la population. Les retraités, les personnes âgées, ces personnes vivent dans la précarité alors qu'elles ont servi la nation avec courage et abnégation et cette situation doit vite changer. Les agriculteurs et éleveurs, cette catégorie de Burundais doit pouvoir vivre dignement avec leur famille et jouir pleinement de leur bien-être social. Les commerçants, ce sont le rempart de la communauté en gagnant dans leur commerce et en payant les taxes et les impôts. Ces braves femmes vendeuses de fruits et toutes ces personnes qui font le commerce ambulant dans les villes doivent être protégées par la loi et gagner dignement leur vie. L'autre groupe, ce sont les groupes des jeunes. Ils forment la majorité de la population active. L'État a l'obligation de leur pourvoir un emploi décent sans recourir à des migrations parfois risquées. Les enseignants, ils sont les éducateurs de nos enfants et doivent pour cela avoir un traitement valorisant le métier. L'école doit donner une éducation et un enseignement de qualité pour permettre à nos lauréats d'être compétitifs dans la région. Les pouvoirs publics doivent leur fournir une protection légale et leur permettre de travailler sans discrimination. Ensuite, les médecins et le personnel de santé, ils doivent offrir des prestations de qualité aux patients en travaillant dans un environnement socio-professionnel rassurant qui ne conduit pas toujours à des fuites de cerveau. Les magistrats et le personnel de la justice. Comme il n'y a pas de développement ni de démocratie sans une justice saine et équitable, la magistrature doit être tenue au même rang que les autres institutions de la République. Pour bien résoudre efficacement ces préoccupations et bâtir un pays développé, voté pour le parti PDS Gamibanga, il y aura mise en place d'une loi qui oblige tous les mandataires politiques et publics, les officiers de l'armée et de la police à inscrire les enfants dans les écoles et universités publiques, la limitation des enfants à 40 élèves par classe, la généralisation de l'internat à tous les enfants depuis la 7e année, réinstaurer le logement, la bourse et la restauration des étudiants à l'Université du Burundi, faciliter le commerce ambulant dont les femmes vendent de fruits, réorganiser le secteur du tourisme et les sites touristiques, reprendre l'organisation des entreprises en faillite ou privatisées, mettre sur pied une loi mémorielle sur les génocides commis contre les populations hutues en 1972, offrir des réparations à toutes les victimes des atrocités commises depuis l'indépendance, mettre sur le pied une commission des magistrats chargée de suivi des dossiers des justiciables, mettre sur le pied une commission des inspecteurs de justice chargée de veiller à l'éthique et à la déontologie des magistrats, organiser des visites trimestrielles des parlementaires dans toutes les maisons de détention, organiser des formations spécialisées des médecins, reconstruire rapidement l'usine de fabrication des médicaments, mettre en place une loi pour l'élection des maladies non transmissibles et incurables, y compris les traumas, mettre en place une loi obligeant les mandataires politiques et publics, les officiers de l'armée et de la police à se faire soigner dans les structures publiques. Et pour terminer avec ces projets de société des partis politiques, la coalition Burundi-Bugabo se souhaite traquer et traduire en justice les présumés auteurs de corruption et de malversations économiques. Déclaration faite par le président de cette coalition ce jeudi en guise de lancement de sa campagne électorale pour les législatives et les communales du 5 juin prochain. Patrick Nkurunziza trouve que ce projet est réalisable. Si les coupables sont connus, l'essentiel étant de réorganiser le secteur de la justice. Dans le domaine politique, notre premier projet de société pensée vise à renforcer la démocratie et les élections bien préparées, impartiales et libres. Si la coalition Burundi-Bugabo est élue, elle procédera à la mise en place de la justice caractérisée par le respect des droits de tout Burundais et la liberté. Nous allons redynamiser la coopération internationale, plus particulièrement avec les pays de la région. Vous savez qu'entrer au Rwanda est presque interdit actuellement. L'Assemblée nationale et le Sénat recouvriront leur pouvoir de destituer le président de la République et son gouvernement s'ils sont reconnus coupables de haute trahison, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas ce droit de destituer le président. Paradoxalement, le président de la République a ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous comprenez bien qu'elle ne prend pas de grandes décisions actuellement. Une autre chose que nous allons faire dans les meilleurs délais, c'est de mettre en place la Haute Cour de justice, comme prévu par la Constitution du Burundi, pour juger le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le vice-président et le premier ministre, car ils ne sont pas au-dessus de la loi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous l'avais dit dans les titres, les habitants de la ville de Bujumbura se plaignent de la mauvaise qualité des services de télécommunication, évoquant notamment la lenteur de la connexion Internet et les difficultés de transfert monétaire pour diverses transactions. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce vendredi demandent aux autorités compétentes de trouver une solution à ce problème. Ils se sont exprimés ce vendredi à la veille de la Journée mondiale des télécommunications célébrée le 17 mai de chaque année. Suivez-les. Ici au Burundi, ce qui concerne la télécommunication, moi je vois qu'il y a encore des problèmes. On rencontre des problèmes quand on est en train de télécharger quelque chose, quand on est en train de téléphoner ici et là. On rencontre des problèmes concernant la connexion. Moi, en tant qu'agent de l'IMICASH, je vois que le problème de communication est un problème majeur, puisque dans mon activité journalière, il arrive que je rencontre des difficultés lors de la transaction. Les clients se lamentent, ils disent qu'il faut faire rapidement. Alors que ce n'est pas moi, c'est le problème des connexions. Donc il faut résoudre ce problème pour que les activités se réalisent convenablement. Le problème, c'est le faible débit de la connexion. Même les SMS arrivent en retard et les connexions sont très longues. Imaginez, tu achètes les mégas pour le mois, mais ils s'épuisent rapidement sans pour autant satisfaire les besoins. C'est une vraie... Sur les questions de télécommunication, je peux dire que le manque de connexion est un défi majeur pour nos services. Même lorsque tu passes un appel, on t'indique souvent que la ligne est occupée. Nous demandons à ces gens qui est au service de cette télécommunication d'améliorer les connexions ici au Burundi. Donc il faut améliorer ces connexions pour que donc, les activités soit rapide. Comme l'une des personnes qui utilisent la télécommunication, je demande qu'on peut élever la connexion. Ça serait facile de communiquer. Je demande que la production du courant électrique augmente et que les gens s'investissent davantage dans l'Internet. Voilà, c'était le micro-baladeur de la rédaction. Et dans sa déclaration de circonstances, la ministre en charge de la communication des TIC et des médias a indiqué que le gouvernement s'engage à renforcer le cadre juridique favorisant l'égalité des genres dans le numérique au regard des barrières socioculturelles limitant les filles à étudier les technologies ou l'insuffisance des infrastructures numériques dans certaines régions rurales. On écoute la ministre Léocadie Ndachaïsaba. Cette journée est une opportunité cruciale pour évaluer nos progrès, identifier les défis persistants et accélérer nos actions collectives afin que les bénéfices de la transformation numérique profitent à tous sans exclusion. Je voudrais à cette occasion partager avec vous quelques-unes des réalisations majeures accomplies par notre pays dans ce domaine. Le programme Women in Tech promouvant la participation féminine dans le numérique. Organisation des concours d'innovation et encourager les filles programmeuses. Malgré ces progrès, des disparités persistent, notamment en ce qui concerne l'inclusion numérique des femmes. Et ces réalisations, bien que significatives, ne constituent que le début dans le processus vers une égalité numérique véritable. Néanmoins, quelques défis restent à relever, notamment l'insuffisance des infrastructures numériques, surtout dans certaines régions rurales, le coût élevé des services numériques, le non-accès aux terminaux numériques, l'insuffisance de l'Internet au débit, de l'électricité, etc. Face à ces défis, le gouvernement du Burundi s'est engagé à intensifier ses efforts pour renforcer le cadre juridique et institutionnel favorisant l'égalité des genres dans le numérique, élargir l'accès aux infrastructures numériques dans les zones rurales. Pour y arriver, j'appelle tous les acteurs, secteur privé, société civile, partenaires au développement et la population burundaise, à unir nos forces pour bâtir une société de l'information inclusive où les femmes et les hommes participent pleinement et équitablement à la transformation numérique de notre pays. C'était un extrait de la déclaration de la ministre en charge de la communication des TIC et des médias à la veille de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications, célébrée le 17 mai de chaque année. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.